Ils trouvèrent leur ami dans sa chambre à coucher. Stores et double rideaux, glace de Venise, rien n'y manquait. Frédéric, en veste de velours, était renversé dans une bergère où il fumait des cigarettes et le tabac turc. Sénécal se rembrunit, comme les cagots amenés dans les réunions de plaisir. Deslauriers embrassa tout d'un seul coup d'œil, puis le saluant très bas. « Monseigneur, je vous présente mes respects. » Dussardier lui sauta au cou. « Vous êtes donc riche maintenant. Ah, tant mieux, nom d'un chien, tant mieux. » Sisy parut avec un crêpe à son chapeau. Depuis la mort de sa grand-mère, il jouissait d'une fortune considérable et tenait moins à s'amuser qu'à se distinguer des autres, à n'être pas comme tout le monde, enfin à avoir du cachet. C'était son mot. Il était midi cependant, et tous bâillaient. Frédéric attendait quelqu'un. Au nom d'Arnoux, Pellerin fit la grimace. Il le considérait comme un renégat depuis qu'il avait abandonné les arts. Silence passé de lui, qu'en dites-vous ? Tous approuvèrent. Un domestique en longue guêtre ouvrit la porte et l'on aperçut la salle à manger avec sa haute plainte en chêne relevée d'or et ses deux dressoirs chargés de vaisselle. Les bouteilles de vin chauffaient sur le poêle. Les lames des couteaux neufs miroitaient près des huîtres. Et il y avait, dans le ton laiteux des verres mousseline, comme une douceur engageante. Et la table disparaissait sous du gibier, des fruits, des choses extraordinaires. Ses attentions furent perdues pour Sénécal. Il commença par demander du pain de ménage, le plus ferme possible, et, à ce propos, parla des meurtres de Buzancé et de la crise des subsistances. Rien de tout cela ne serait survenu si l'on protégeait mieux l'agriculture, si tout n'était pas livré à la concurrence, à l'anarchie, à la déplorable maxime du « laissez faire, laissez passer ». Voilà comment se constituait la féodalité de l'argent, pire que l'autre. Mais qu'on y prenne garde, le peuple, à la fin, se lassera et pourrait faire payer ses souffrances aux détenteurs du capital, soit par de sanglantes proscriptions ou par le pillage de leurs hôtels.